Lévitique chapitre 21. L'Éternel dit aussi à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et leur dit, qu'aucun d'eux ne se souille entre ses peuples pour un mort. Sinon pour son proche parent, qui le touche de près, savoir pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, et pour son frère. Et quant à sa sœur vierge, qui le touche de près, et qui n'aura point eu de mari, il se souillera pour elle. S'il est marié, il ne se souillera point pour sa femme parmi son peuple, en se rendant impur. Ils n'arracheront point les cheveux de leur tête pour la rendre chauve, et ils ne raseront point les coins de leur barbe, ni ne feront d'incision en leur chair. Ils seront saints à leur Dieu, et ils ne profaneront point le nom de leur Dieu, car ils offrent les sacrifices de l'Éternel faits par feu, qui est la viande de leur Dieu, c'est pourquoi ils seront très saints. Ils ne prendront point une femme paillarde, ou déshonorée, ils ne prendront point aussi une femme répudiée par son mari, car ils sont saints à leur Dieu. Tu feras donc que chacun d'eux soit saint, parce qu'ils offrent la viande de ton Dieu. Ils te seront donc saints, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Si la fille du sacrificateur, se souillant comme étant paillardise, elle souille son père, qu'elle soit donc brûlée au feu. Et le souverain sacrificateur d'entre ses frères, sur la tête duquel l'huile de l'onction aura été répandue, et qui se sera consacré pour vêtir les saints vêtements, ne découvrira point sa tête, et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira point vers aucune personne morte, il ne se rendra point impur pour son père, ni pour sa mère, et il ne sortira point du sanctuaire, et ne souillera point le sanctuaire de son Dieu, parce que la couronne, et l'huile de l'onction de son Dieu est sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra point une veuve, ni une répudiée, ni une femme déshonorée, ni une paillarde, mais il prendra pour femme une vierge d'entre ses peuples. Il ne souillera point sa postérité entre ses peuples, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle à Aaron, et lui dit, si quelqu'un de ta postérité dans ses âges a quelque défaut en son corps, il ne s'approchera point pour offrir la viande de son Dieu. Car aucun homme en qui il y aura quelque défaut n'en approchera, savoir l'homme aveugle, ou boiteux, ou camus, ou qui aura quelque superfluité dans ses membres. Ou l'homme qui aura quelque fracture aux pieds, ou aux mains. Ou qui sera bossu, ou grêle, ou qui aura quelque suffusion en l'œil, ou qui aura une gale sèche, ou une gale du cerf, ou qui sera rompu. Nul homme donc de la postérité d'Aaron sacrificateur en qui il y aura quelque défaut, ne s'approchera pour offrir les offrandes faites par feu à l'Éternel, il y a un défaut en lui, il ne s'approchera donc point pour offrir la viande de son Dieu. Il pourra bien manger de la viande de son Dieu, savoir des choses très saintes, et des choses saintes. Mais il n'entrera point vers le voile, ni ne s'approchera point de l'autel, parce qu'il y a en lui une défectuosité, de peur de souiller mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Moïse donc parla ainsi à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël.